d'Ouïman. Bonjour à vous tous, voici les grands titres de ce journal. Le parti CNDD déclare être prêt à participer aux prochaines élections à condition que le climat politique soit mieux assaini qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans une conférence de presse ce matin, son porte-parole a évoqué les cas d'intolérance qui s'observent ces derniers temps. Et plus de 5 milliards de dollars ont fait objet de fuites de capitaux de 1985 à 2015 dans le secteur minier au Burundi qui souffre du manque de traçabilité. Fait remarquer un professeur d'université qui dit que la fouille de ces capitaux issus de la vente des minerais passe par la sous-facturation ou la surfacturation lors des opérations d'importation ou d'exportation, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Une dizaine de personnes, dont deux magistrats du parquet de Bururi, ont été arrêtés ce dimanche par la police de Bururi. Et cela pour tenue clandestine d'une réunion politique. Notre correspondant nous en donnera les détails. Voilà pour les quelques titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Différentes institutions devraient travailler en guichet unique pour que les quantités de minerais produites, exportées et les recettes qui en sont issues puisse être rendu public. La suggestion est d'un professeur d'université vendredi lors d'une conférence débat sur la dette odieuse et la fuite des capitaux. Le professeur Léonce Ndikumana a expliqué que la fuite des capitaux, bon, on y passe par la sous-facturation ou la surfacturation lors des opérations d'importation ou d'exportation. Il conseille une gestion des minerais à l'image de la gestion des banques. On l'écoute. Je crois fermement que les Burundais ont la capacité de gestion qui a été démontrée dans d'autres secteurs. Je ne vois pas pourquoi les Burundais ne peuvent pas gérer le secteur minier s'ils le voulaient. L'idée qu'on ne sait pas ce qui est produit de l'or, on ne sait pas ce qui est exporté de l'or, on ne sait pas ce qu'on récolte comme revenu de l'or, ça, c'est pas acceptable. Parce qu'il n'y a pas de manque de capacité, soit individuelle, soit technique, soit institutionnelle. Essayons de gérer le secteur minier comme on gère le secteur bancaire. C'est la qualité de l'information, c'est la qualité de la communication, c'est la qualité des statistiques. On a des instituts de statistiques qui sont bien équipés, des gens qui sont formés à la Banque centrale, à Istanbul et tout ça. Ce n'est pas justifiable qu'on continue à dire que non, je ne sais pas combien d'or on produit, non, je ne sais pas combien d'or on exporte, non, on ne sait pas. Ce n'est pas possible. Et la plupart du temps, c'est... Quand il y a une innovation institutionnelle, on voit les résultats. Et si vous regardez les statistiques, par exemple, sur la collecte des impôts, je suis sûr que si vous regardez à partir de la création de l'Aubert, je peux m'assurer qu'il y a eu une augmentation des revenus de la taxe. Nos statistiques montrent qu'une des grandes composantes de la fuite des capitaux au Burundi, c'est la sous-facturation. La fuite des capitaux, c'est un phénomène financier, évidemment, mais il a des effets humains. C'est-à-dire, chaque argent qui part du pays et qui est déposé dans les paradis fiscaux, c'est l'argent qui aurait acheté des vaccins, c'est l'argent qui aurait acheté des livres, c'est l'argent qui aurait acheté des médicaments. C'était le professeur Léonce Ndikumana, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyangé. Sachez que plus de 5 milliards de dollars ont fait objet de fuites de capitaux de 1985 à 2015, a précisé le professeur Léonce. Et 12 personnes, dont deux magistrats du parquet de Bururi, sont dans les mains de la police de Bururi depuis la mi-journée de ce dimanche. Ils ont été arrêtés dans une des cases de l'arrière-cour dans des buts de boissons dénommés Oasis, suis à Bouta, en commune et province de Bururi. Ils sont accusés de tenue clandestine d'une réunion politique, selon Frédéric Nyonzima, gouverneur de Bururi, qui dirigeait cette opération. Jean-Pierre Misago pour les détails. Après plus de deux heures de fouilles opérées dans un véhicule de type Jeep venu de Bujumbura sans leur téléphone portable, une fouille opérée dans l'arrière-cour et dans les parages du bar-restaurant appelé Oasis de Bouta par les policiers accompagnés par le gouverneur de Bururi, les 12 personnes constituées d'un avocat venu de Bujumbura et qui dirigeaient cette réunion, deux magistrats du parquet de Bururi, 8 enseignants et une autre les personnes qui seraient sans emploi venues de diverses communes de la province Bururi ont été embarquées vers le cachot de la police de Bururi vers midi de ce dimanche, selon des sources sur place à Bouta. Frédéric Nyozima, gouverneur de Bururi, qui dirigeait cette opération avec un mandat du parquet général près la cour d'appel de Bururi, dit avoir eu des preuves irréfutables que ces personnes tenaient une réunion clandestine d'un parti qu'ils appellent UPD Zigamibanga, dirigé par Hussein Rajabu. Selon lui, à part que ce parti n'est pas connu au Burundi, cette réunion n'avait pas été annoncée à l'administration. Et selon le gouverneur de Bururi, c'est à la justice de statuer sur la suite à réserver à ce dossier. Certains des membres des familles de ces personnes arrêtées disent ignorer le vrai motif de ces arrestations, arguant qu'elle est leur son parti, disant qu'ils participaient dans une réunion d'une association. Et d'autres encore ont répondu à un appel téléphonique les invitant dans une réunion sans aucune autre précision. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On reste dans les nouvelles des provinces pour vous dire que plus de 100 habitants de certaines collines de la commune Gitega sont contents du soutien de la Croix-Rouge, branche de Gitega, dans la construction des ménages mobiles. Cette organisation a commencé l'inauguration de plus de 3000 ménages modèles dans toutes les communes de la province de Gitega. Les bénéficiaires disent que cela va améliorer leurs conditions de vie et avoir une bonne santé. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge à Gitega dit qu'ils vont également aider les enfants issus de ces ménages et qui avaient abandonné l'école pour diverses raisons à réintégrer. Arthur Kavaouchi. Certains parmi ceux qui habitent dans ces maisons disent que c'est un grand avantage, étant donné qu'avant, ils ignoraient l'hygiène et l'assainissement, une bonne habitation ainsi qu'une bonne alimentation. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge à Gitega, Pasteur Nzoni Man, indique que 4000 ménages modèles seront réceptionnés dans toutes les communes, à commencer par la commune Gitega. Ce secrétaire provincial fait savoir que comme parmi les critères des ménages modèles, il y a celui qui dit que tous les enfants de son ménage doivent être scolarisés, d'où alors ils vont remettre à l'école les enfants qui avaient abandonné l'école, étant donné que les chiffres montre que durant l'année scolaire 2017-2018, plus de 2300 enfants avaient abandonné l'école en commune Gitega et que durant la même période dans la province de Gitega, ils enregistraient plus de 14 000 cas d'abandon. Pasteur Nzoni Mana dit qu'ils vont sensibiliser les parents et les enfants dans toute la province sur l'importance de l'école. Vous saurez que les responsables de l'enseignement à Gitega sont prêts à accueillir ces enfants qui avaient abandonné l'école pour diverses raisons. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Et dans la province voisine de Rutana, cette province bat le record en matière d'effectifs des personnes souffrant de la lèpre, tel que l'indique le médecin provincial, le docteur Marc Ndaïra Guigé, qui demande aux gens de fréquenter les structures de soins aussitôt qu'ils constatent des signes de cette maladie, au lieu de consulter les guérisseurs traditionnels. En 2018, le bureau de la province sanitaire de Rutana a inventorié 115 personnes souffrant de la lèpre. Gérard Nibigira. Le médecin provincial à Rutana, Dr Marc Ndaïra Guigé, dit que la lèpre prolifère dans des provinces frontalières à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo, où cette maladie est prépondérante. Il ajoute qu'au Burundi, la province Rutana bat le record en matière d'effectifs et de lépreux, avec 68 cas en 2017, 115 cas en 2018 et 85 cas dans le premier semestre de cette année 2019, et ces chiffres sont ascendants. En outre, la commune Guiharo de cette province vient en première position et Dr Marc Ndaïra Guigé avance comme raison le fait que cette commune est touchée directement à la frontière tanzanienne et sa population consulte beaucoup les guérisseurs traditionnels au lieu de fréquenter les structures de soins. Il précise qu'il n'y a pas de vaccin contre la lèpre et qu'elle se transmet par voie aérienne. Néanmoins, celui qui se fait soigner à temps guérit vite et les soins sont gratuits, indique-t-il. Mais quand quelqu'un se fait soigner tardivement, même s'il guérit, il garde des séquelles de la maladie, à savoir l'amputation des jambes, des doigts des pieds et des doigts et les yeux qui ne se fermaient pas. Docteur Marc Ndaïragije demande alors aux gens de fréquenter les structures de soins aussitôt qu'ils voient des signes de la lèpre au lieu de consulter les guérisseurs traditionnels. Et ces signes sont des taches sur la peau et l'insensibilité des zones tachetées. Depuis Rutana, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Gérard Nibigira, et les agri-éleveurs se réjouissent du projet de décentralisation de la pisciculture dans la province de l'intérieur du pays, mais ils demandent d'être assistés à matériel nécessaire pour une meilleure production agricole. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Deogui de Rurema, se réjouit du pas déjà franchi, même si les défis restent à relever. Il regrette notamment que sur une quarantaine d'étangs piscicoles qui devaient être construits, seulement une dizaine sont disponibles. Richard Niongour. Il s'appelle Boniface Nzikobanyanka, l'un des agri-éleveurs évoluant dans la coopérative ADK Toulachoboyé qui vise la promotion de la pisciculture dans les provinces de l'intérieur du pays. Nous l'avons rencontré en commune Gihanga de la province Bubanza qui indique que ce projet de décentralisation de la pisciculture est venu à point nommé. Ici, Nzikobanyanka réclame d'être assisté en matériel nécessaire pour une bonne production piscicole. Au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, l'on indique que ce projet vise à améliorer les conditions alimentaires de la population, surtout rurale, et à cette dernière de ne plus croire que le poisson provient seulement du lac Tanganyika. Nous avons profité de cette occasion pour visiter certaines réalisations qui entrent dans la logique que nous avons introduite dans le ministère, celle de créer des virages aquacole, c'est-à-dire la pisciculture intégrée des poissons ainsi que les poules associées au maraîchage. Deogui de Rurema, ministre ayant en charge l'élevage dans ses attributions, regrette néanmoins que des étangs piscicoles qui devraient être construits mais qui ne l'ont pas été, soulignant que les complices dans cette affaire payeront les pots cassés. Nous avons été très satisfaits à certains endroits et les travaux évoluent positivement. Mais dans d'autres endroits, nous avons observé qu'il y a des choses à améliorer. Par exemple, sur un site où on avait prévu 47 étangs piscicoles, nous n'avons trouvé que 10. Et dans un autre site, on espérait la clôture des travaux de 14 étangs piscicoles. Nous avons seulement trouvé 10, mais ce qui est un peu choquant, c'est que ce même projet, les gens sont en train de courir pour chercher la prolongation des contrats, alors que les travaux sur le terrain sont en train d'être réduits. On se pose la question, est-ce que nous travaillons pour l'intérêt de la population? Ce projet de construction des étangs piscicoles avait été confié à l'association ADK, Action pour le développement économique axée sur la pisciculture intégrée, avec le financement du projet Prodéfi et celui du ministère ayant en charge l'élevage dans ses attributions pour mener à bon port ce projet. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, le parti CNDD déclare sa volonté de participer aux élections mais demande que le climat politique soit amélioré. Toutefois, si des handicaps majeurs se présentent, ce parti dit qu'il se réserve le droit de se retirer des élections. Dans une conférence de presse, le porte-parole du CNDD, Gaspard Kobako, a souligné que certains partis sont victimes de quelques cas d'intolérance politique. Aubin Niongour. À titre exemplatif, et pour ne citer que ces quelques... Le porte-parole du CNDD donne des cas où il indique que ce parti a été cible des cas d'intolérance politique. En commune Bururi, en colline de Kivuruga, une réunion a été empêchée. À Rutana, en commune Bokemba, une autre réunion également annoncée a été empêchée. À Rumonge, notre représentant à cette commune nous annonça que les jeunes profèrent des menaces en déclarant qu'ils ne veulent pas d'autres partis à part le leur. Gaspard Kobako dit que son parti va participer aux élections, mais nuance en posant des conditions. Si nous ne sommes pas exclus du processus électoral, nous irons aux élections. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous sommes impliqués dans ces démembrements, les CEPI et les CECI, si nous sommes exclus de ces démembrements, c'est-à-dire que nous serons en droit de dire qu'ils ne veulent pas de nous. Il demande que la commission électorale nationale indépendante soit plus inclusive. Je voudrais indiquer que sa mise en place l'a été sans consulter le parti CNDD. Nous n'avons pas été consultés au même titre que certains autres partis. Qu'à cela nous tienne, nous nous préparons pour aller inévitablement aux élections qui sont organisées par la CENI sous sa forme actuelle. La CENI, quand elle a été mise en place, a été contestée, vous le savez. Ici, je voudrais indiquer qu'en 1993, il y avait aussi une CENI. Concernant le président de ce parti qui est à l'étranger depuis 2011, le porte-parole de ce parti ne précise pas si, oui ou non, il va rentrer pour participer aux élections de 2020. Je voudrais préciser que l'honorable Nyangoma a dirigé le Sénégal pendant 6 mois. C'était comme un gilet de sauvetage. Mais curieusement, arrivé en cours, on a estimé qu'il fallait qu'il quitte le Sénégal. C'est à partir de ce moment qu'on a maintenant commencé à prolonger les mandats. Encore une fois, une guerre des mandats est survenue au sein du Sénégal. Le Sénégal ne s'est pas retiré au sein du Sénégal. Il est resté là pendant un beau bout de temps, jusqu'à ce qu'il le quitte. Ainsi, le Sénégal n'est plus au Sénégal. Et je voudrais justement dire que l'honorable Nyangoma est parti, bientôt ça va faire une décennie. Ce parti demande aussi au ministère de l'Intérieur de ne pas être sélectif dans ses invitations pour des réunions avec les partis politiques. Gaspard Kobako donne le cas d'une réunion tenue le vendredi 19 juillet où il dit que son parti n'a pas été invité. Aubin Nyonghoro, sport, à présent on parle football. La tâche n'a pas été du tout facile ce dimanche pour les clubs de football qui représentent le Burundi dans les compétitions africaines. Dans le tournoi africain pour la Coupe de la Confédération africaine CAF, le club Rukinzo s'est incliné devant le triangle du Zimbabwe par un score de 5-0. Et au stade Inwari, dans le cadre de la Coupe africaine des clubs champions, Aigle Noir a fait match nul contre Gor Mahia du Kenya sur un score vierge de 0-0. Le détail de l'actualité sportive de la semaine passée avec Evariste Nzikobanyang. À la fin du week-end dernier, ont débuté les compétitions africaines de football. Ce dimanche, dans la Coupe de la Confédération africaine de la CAF, l'équipe de la police burundaise Rukinzo a été battue à Harare 5-0 par Triangle de Zimbabwe au stade Inwari. Dans le cadre de la compétition de la Ligue des champions, Aigle Noir a accueilli Gor Mahia du Kenya. Ce match s'est soldé sur le score vierge de 0-0. Football toujours, c'est ce samedi qu'a débuté le championnat national de football baptisé Primus League. 2 matchs étaient en lice. À Gitega, Flambeau du Centre a accueilli Kayanza United de Kayanza. Kayanza United s'est incliné devant Flambeau du Centre sur le score de 3-1. À Muyinga, Olympic Star de Muyinga a accueilli Musongati de Gitega. Ce match s'est soldé sur le score de 2-1 en faveur de l'équipe Musongati. Le championnat va continuer au cours de cette semaine. Ce lundi, Burundi Sport Dynamique affronte Bumamuru au stade Inwari à 13h30. À 16h, ce sera le tour de Interstar et Message Ngozi. Ce mardi, à 13h30, Atletico Academy accueille au stade Inwari à 13h30 Ngozi City. Et à 16h, ce sera le tour de Bujumbura City et l'idéalité Burundi Sport for Africa. Mercredi, à 15h, un seul match est programmé au stade Inwari. Ce match oppose Aigle Noir contre l'Edière, tandis que celui de jeudi opposera Vitalo et Rukinzo. Samedi de la semaine passée a été clôturé le championnat national de football féminin. C'est le club Fofida Dongozi qui a été championne cette année après avoir battu en finale PVP Buyenzi 3-1. Evariste Nzikobanyanga, et pour boucler ce journal, selon un dernier bilan des autorités tanzaniennes, l'explosion d'un camion-citerne samedi 10 août à Morogoro, à quelques 200 km de Dar es Salaam, a fait 71 morts, essentiellement des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait du poids lourd accidenté. 3 jours de deuil ont été décrétés par les autorités et une commission d'enquête a été mise en place. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.